d'habitude, vous écoutez La Centrifugeuse et c'est l'émission 387 qui commence maintenant. l'instant les dynamiques jeunes gens qui ont entamé l'émission s'appelle Trigger Cut. C'est tiré de leur album Soot, leur troisième album depuis 2009. C'est un trio allemand qui fait une noise incendiaire. Incendiaire, c'est le cas de le dire, puisque leur studio avait brûlé, je crois, en 2020. Donc, ils ont dû tout reprendre à zéro. Soot, ça veut dire suit en allemand. Donc, ça les a un peu marqués et ils ont fini sur la pochette. Pour dire qu'ils renaissent de leurs cendres, mais ils n'ont pas laissé leurs habitudes noise derrière eux. Au contraire, hein, ça convulse, ça trépigne, ça urge, ça s'enflamme, c'est sans gras, sans détour, mais avec beaucoup de trouvailles qui tapent toujours en le mille. C'est sorti sur le label DEI Records, donc bon album de noise, cet album de Trigger Cut. Sinon, on aura un petit peu de post-punk, on aura un album de la semaine, l'excellent nouvel album d'If Tumor, et on aura un gros focus sur le festival Baignade Sauvage, oui. Et ensuite, on aura un petit peu de jazz, un second album de la semaine, un petit peu de folk, et voilà, on terminera peut-être par de la musique de film pour rendre hommage à Ryuichi Sakamoto. Donc on démarre de suite avec du post-punk, avec le groupe Italia 90, quatuor londonien qui a sorti son premier album, même s'il existe depuis 7 ans. L'album s'appelle Living Human Treasure. Voilà, donc c'est un post-punk tranchant, varié, sans concession, direct, à base de guitares ciselées et froides. Ça peut faire passer à The Murder Capital, Shame, TV Priest ou encore Lumière. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Competition. Italia 90, c'est parti. Competition. told them what you do. They're on the ground, I've given the info. Down from the train station to the square, they'll figure out what you're gonna do. They're on the ground and they're gonna check you. They'll figure out what you're gonna say. This ain't a game for everybody. I'm on the ground, what you want me to do? I sent a WhatsApp, did it go through? I see him there, he's the one you want to. I recognise his face from fucking Twitter. Then figure out what you're gonna do. They're on the ground and they're gonna check you. Then figure out what you're gonna say. This ain't a game for everybody. Italia 90, on est resté dans le post-punk avec, vous les aurez reconnus, Sleaford Mods, notre duo de mods préféré, qui viennent de, donc, de sortir leur 12e album, Yucca Grimm. Toujours aussi efficace avec la trabilaire Jason Williamson et le très phlegmatique Andrew Fern, toujours aussi varié malgré la formule minimale, donc, et plutôt un chouette album aussi, donc Sleaford Mods, Yucca Grimm. On enchaîne de suite avec notre premier album de la semaine qui est signé If Tumor, qui avait déjà fait en 2020 un super album qui s'appelait Even to a Tortured Mind. Donc là, il enchaîne avec un album au titre à rallonge, Praise the Lord, Which You, But Which Doesn't Consume. Voilà, il y a même un truc entre parenthèses, je vous l'épargnerai. Donc If Tumor, c'est Stanley Bowie de son vrai nom, un Américain qui nous vient de Miami mais qui a déménagé à Turin, je ne sais pas s'il va y rester, et il fait une musique qu'on appelle de l'hyperpop, qui est une forme très, très moderne, très mutante de la pop. Donc sur cet album-là, en première partie d'album, c'est du rock presque grunge, hein, on peut penser à Faith No More parfois, mais toujours avec un fascinant habillage d'électronique. Et en seconde partie d'album, c'est beaucoup plus expérimental, assez chaotique, entre trip-hop et R&B expérimental, on va dire. En tout cas, tout ça, c'est complexe et passionnant, et ça ne se départit jamais d'une lisibilité mélodique. Donc qui le rend plus accessible que le son ne le laisserait penser. On va écouter trois morceaux. Le premier s'appelle Operator. On le fera sur un morceau Meteora Blues et Fit Evil Like Fire. Donc If Tumor, c'est parti. Somebody, oh no.

là. Donc à l'instant, c'était Ferryville Lightfire, Diff Tumor, tiré de son dernier album Praise a Lord, on va dire comme ça pour faire court parce que le titre est en rallonge. C'est notre premier album de la semaine. Et maintenant, on va présenter le festival Baignade Interdite avec des invités. Bonjour. Donc, ouais. Alors, je vous laisse vous présenter. Eh ben, on est Isa et Julien, donc du festival Baignade Sauvage et pas Baignade Interdite, comme tu viens de le dire, Fabrice. Les habitudes sont difficiles à débarrasser. Ouais, Baignade Sauvage, donc c'est un festival qui a lieu dans 10 jours maintenant, pas très loin d'Albi, qui est effectivement le successeur ou l'héritier ou la suite de Baignade Interdite, qui a connu 8 éditions à Aigueulaise, entre Albi et Gaillac, pas très loin d'ici. Et Baignade Sauvage, on en est à la 3e édition, un festival qu'on a commencé en 2021 du côté d'Ambialé, c'est-à-dire par rapport à ici à Toulouse, à une vingtaine de kilomètres après Albi, dans la moyenne vallée du Tarn. Au bord de l'eau, voilà. Avant on était dans les bassins des piscines et maintenant on est au bord de la rivière, voire parfois sur la rivière, comme l'année dernière. Donc Baignade Sauvage, c'est 4 jours de concerts, en tout cas des concerts étalés sur 4 jours, de jeudi 24 août à dimanche 27. Voilà, avec une bonne quinzaine de propositions, je pense. Voilà, donc ben, des musiques un petit peu, comment dire, Isa, Inclassable à découvrir. Voilà, un peu aventureuse. Voilà, aventureuse, comme on disait à un moment. Voilà, ça va être donc plein de propositions situées dans des lieux très très variés, très divers, très choisis dans la vallée à Ambialé et autour, avec en tout cas ce que nous on pense être une grande attention portée à l'adéquation entre qui joue, ce qui joue et l'endroit, etc. Et même l'heure à laquelle ça joue et tout ça. Voilà, que dire d'autre, Isa, tout de suite ? Rien ? Bah que si, on peut dire qu'il y aura quand même des facilités pour... Enfin, on a essayé de mettre en place des facilités pour venir. Oui, pour les pauvres Toulousains. Avec... des bus, du covoit, voilà, pour aider à venir dans la moyenne vallée du Tarn, voilà, alors, se perdre. Voilà, alors, si vous ne voulez pas nous écouter, vous pouvez tout de suite aller voir sur le site internet baignade-sauvage.fr pour voir plus d'infos, toute la programmation, télécharger la carte, le programme et tout un tas de trucs. Et puis sinon, ben, on vous invite à commencer par écouter Omni Selassie qui jouera le jeudi soir à Saint-Jury, deuxième concert de la soirée d'ouverture. On vous en parle après le son. Thank you. à l'instant, c'était le morceau Kachou Kari, donc de Omni Selassie, tiré de, je crois, un petit EP avec deux morceaux dessus qui est sur Bandcamp, que vous pouvez trouver sur Bandcamp. Donc, qui c'est Omni Selassie? Ben, Omni Selassie, donc c'est un groupe suisse, ils sont au nombre de trois, donc comment on s'appelle, Réa Dubac qui est la chanteuse et guitariste, et puis deux batteurs, on entend sa patate bien, c'est très rock et en même temps il y a cette touche pop un peu comme ça, étrange, en... ouais, et ça flotte un peu, j'aime vraiment beaucoup le fameux filon suisse des le filon suisse, ouais, c'est le filon suisse, exactement. Et ouais, il y a vraiment de la pop, du grunge là-dedans, il y a un truc aussi très matrock quand même, parce qu'on est vraiment aussi dans la répétition, un truc qui vient progressivement. Et donc Omni Selassie, donc c'est le deuxième groupe de Beignade. Je peux parler où ça joue si tu veux, où ça se... Et ben c'est ce que j'allais vous suggérer, cher ami. Donc c'est le deuxième groupe de Beignade, le jeudi soir. Ouais, en fait le premier soir ça se passe à Saint-Juéry, c'est une ville où il y a un énorme seau du Tarn et où il y a plein d'usines et d'anciennes usines, et donc c'est notre zone post-industrielle, on va dire. Voilà. Et donc là, ça se joue sur une terrasse au milieu d'anciennes et d'usines qui sont réaffectées d'ateliers, et avec une belle vue en face sur le Tarn. Et Moque, que tu vas présenter après, se joue sur la centrale EDF qui est au-dessus du Tarn. Voilà. Donc les deux sites sont proches l'un de l'autre ou... Ils sont de chaque côté du Tarn. Il faudra traverser le Tarn à pied par le pont. Oui, il y a un pont quand même. On a mis un pont cette année. Mais c'est un endroit assez impressionnant. Ouais, c'est intéressant parce que la centrale, elle surplombe, enfin, elle surplombe juste à la hauteur du seau du Tarn, donc de la chute d'eau qui est à l'origine de la centrale hydroélectrique et de l'industrie qu'il y avait à l'époque, tandis que de l'autre côté, on est dans l'industrie, quoi. Enfin, c'est... Là, on est en pleine ville. Voilà, et donc premier concert, donc c'est Mock qui ouvrira le festival, donc qui est un guitariste français, qui est quelqu'un qui a beaucoup tourné sur la scène pop française, qui joue des choses qui sont instrumentales, qui moi m'évoque beaucoup la musique de film, quelque chose qui est assez qui est presque descriptif, quoi. Enfin, en tout cas qui donne des images des boucles de guitare, enfin il joue et voilà, il y a un truc mais c'est pas, enfin voilà, c'est pas que de la boucle, il y a beaucoup d'éléments différents voilà, c'est quelqu'un qui signait chez Murray Music, avec qui, un label avec qui on a l'habitude de collaborer avec Beignade depuis longtemps, avec comme Sourdure, Eric Chenot, Julien Després, l'ensemble Minissime, etc., qu'on doit aussi beaucoup entendre dans cette émission, j'imagine. Oui, ce sont des groupes de chez Murray ici. Ouais, c'est ça. On a des abonnements, hein, je crois que c'est comme ça que ça marche, non? Pas vraiment. Donc voilà, ça c'est l'ouverture du festival le jeudi avec deux concerts. Ça commence à 18h30. Commence à 18h30, donc vous avez le temps de quitter le travail si vous en avez encore un et de nous rejoindre. Il y aura de quoi boire et manger. Voilà. Et le vendredi, ensuite, ben, on remonte le Tarn comme des petits saumons et on arrive à Ambialé où... donc Ambialé, pour situer, c'est celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est donc sur un isthme du Tarn, donc c'est une petite presqu'île. Un lieu prestigieux, on peut le dire. C'est très très beau. Ouais. Et voilà, et donc nous avons la chance et l'honneur, dont on rêvait depuis quelques temps déjà, de faire des concerts au Prieuré, donc qui est tout en haut de la presqu'île. Ouais, qui domine toute la presqu'île. Voilà, ouais, et qui donne vraiment une vue sur les alentours assez fabuleuse. Et le vendredi, donc, commencera avec Moderera, qui va jouer donc une pièce qui est en évolution permanente, qui s'appelle Tal Qual, je crois que ça se prononce Tal Qual, qui est inspiré d'un poème d'Audre Lorde qui s'appelait Coal. Et voilà, tu veux en parler un petit peu de Moderera, Isa? Ben, Moderera, oui, c'est une chanteuse, une violoniste qui explore beaucoup les musiques traditionnelles, que ce soit occitane. Elle a collaboré avec Cocagna, les chants de Venezuela, des musiques de films aussi. Donc, c'est chanter son voyage, une œuvre paysage, comme on pourrait dire. Ah oui. on passe un morceau de Moderera, je ne me souviens plus. Comme, soit vous terminez de présenter le vendredi, et après on passe les morceaux du vendredi. Et puis, Moi, je préfère qu'on passe Moderera. Allez, Moderera. C'est parti. Le morceau s'appelle Cruel. We'll be right back. À l'instant, c'était l'introduction du long morceau Baka to the Future, donc tiré de l'album High Tide in the Lowlands des Dwarfs of East Abuza. Donc, long morceau, c'est un album qui a deux morceaux de 20 minutes chacun. Hein. C'est un peu des formats atypiques. C'est pas des formats radiophoniques, non. Tout à fait. Enfin, ça dépend des radios. Et donc, on a enchaîné le titre de Moderera Talcoal qui joue donc à 18h30. À 18h, donc dans la petite église d'Ambialé. À signaler que c'est le concert gratuit du week-end. Donc les Dwarfs of East Abuza qui jouent à 20h30 dans la cour du prieuré, tant désiré par l'organisation des Bénédictins Sauvages. Donc The Dwarfs of East Abuza, c'est né donc dans le quartier d'Abuza au Caire en 2012 de la rencontre de trois musiciens, Alan Bishop, l'américain, qui est un ancien de Sun City Girl et fondateur du label Sublime Frequencies, donc qui est sax et qui joue de la guitare basse, avec ses complices égyptiens, Sam Chalabi, guitare oud, et Maurice Lucas, clavier et sample. Donc c'est des connexions entre des musiques arabes modales et l'improvisation plus de musique radicale comme on aime à Béniade. Tu as autre chose à dire? Ouais, que moi j'adore l'oud, l'intervention de l'oud, ouais. Là-dedans, là, ouais. Qui a un son très très, ouais. Très très syncopé, là, je trouve ça. C'est sympa, l'oud. Ouais, et puis voilà, donc né en 2012, c'est une belle longévité pour un groupe qui joue à Béniade, j'ai envie de dire. Plus de 10 ans, c'est pas High Tide in the Lowlands, là, c'est pas leur premier album, ça a été enregistré aux Ateliers Klaus. Voilà, je pense que ça va être vraiment un super beau moment avec un groupe qui vient de loin, qui a plein d'origines différentes et tout, ça va être vraiment pas mal et dans un super lieu, je le dis pour la troisième fois. Et donc ça clôt la promotion du vendredi ou il y a d'autres choses? Ah bah, il y a encore d'autres choses puisqu'on va enchaîner avec Seb Brun, donc toujours sur le site du prieuré, mais on bouge un petit peu. Oui, sur les marches qui descendent de l'église, c'est un super lieu. Voilà. On domine toute la vallée là. Ouais, vraiment un super panorama. On pourra regarder le panorama tout en écoutant Seb Brun, donc qui est batteur, qui est dans plein de projets, notamment dans Parquet, qui jouera ensuite le lendemain à Béniade. Là, c'est son projet qui s'appelle Arker, un projet solo. Pas si breton que le titre pourrait le laisser croire, batterie... électronique. Ouais, batterie électronique, avec des textures, des distorsions, de l'arrachage de ce qu'on veut. Et vraiment un truc très physique, un peu rêche, quoi. D'accord. Voilà, donc après, ça c'est 21h40. Ouais. Et après on passe à l'an. Il y a souvent des groupes de batteurs tout seuls. Ah, on aime bien les batteurs tout seuls, c'est vrai. Donc ensuite, Lan qui va jouer donc toujours à Ambialé dans le prieuré, dans la cour. À 23h, donc c'est au sein du tri collectif orléanais. On pourrait dire que c'est les petits-enfants d'Albert Marker et de Zappa. Oh, wow. Qu'est-ce que tu penses, non? Bah oui, ça fait une petite hybridation intéressante. Voilà, je crois que c'est à découvrir, Ouais, c'est... On n'écoute pas. Non, on n'écoute pas ce soir. C'est la surprise. Mais voilà, c'est assez péchu, c'est marrant. C'est péchu, il y a une voix qui se... Enfin, voilà, des textes qui sont... C'est de la poésie sonore, c'est un peu de... Ouais, mais pas avec le côté dépouillé qu'on peut imaginer, à ce qu'on appellerait la poésie. Étrange, naïf, poésie inquiétant, banal. Oui, et drôle. Voilà, leur dernier album s'appelle « Au galop ». D'accord. Voilà, et on finira donc la soirée du vendredi au galop pour aller se coucher bien sagement pour recommencer le lendemain matin dès 10h au bord de l'eau. Toujours aller se coucher toujours au camping. D'Ambialé, c'est un camping On peut en parler effectivement. Ouais. Donc il y a des campings à Ambialé. On peut réserver sa place au camping ou venir avec son camping-car dormir dans sa voiture. Si on connaît une tante dans le coin, on peut aller dormir chez elle aussi. Mais. Sinon, il y a également... Le petit camping des festivaliers. Voilà, qui se situe au lieu-dit La Condomine. Ouais. Et donc, qui est gratuit et qui comporte luxe suprême des toilettes. Voilà, ah. Et la toilette dans le Tarn. Ouais. Voilà, on peut aller se laver à la plage dans le Tarn qui est à 3 minutes à pied. L'eau sera tiède, nous nous en sommes assurés auprès de Météo France. Voilà, donc samedi 26 août, ben, ça commence au bord de l'eau, dans un, voilà, au bord de l'eau tout simplement, à Ambialé, avec Sakina Abdou, qui est saxophoniste, qui fait partie du collectif Musix, fameux collectif lillois. Mmh. Un beau solo au bord de l'eau. Voilà, un beau solo au bord de l'eau. C'est son premier projet solo, en fait. Enfin, ça fait que 2 ans qu'elle fait du solo. Alors, après avoir participé à plein de projets de ce collectif musique qu'on a connu notamment à Baignade, avec plusieurs musiciens qui venaient de là, notamment quand on a eu... je me souviens plus comment s'appelle ce groupe, mais voilà, il y avait notamment des gens qui jouaient Moondog, qui sont pas venus à Baignade avec ça, mais avec ce projet là mais enfin voilà, le collectif musique très actif à Lille, et donc Sakina Abdou fait partie. Voilà, son album s'appelle Good. Donc c'est à quelle heure? Goodbye Ground. Pardon, à 10h, à 10h du matin, voilà, au bord de l'eau. Vous se levez relativement tôt, mais voilà, 11h30 ensuite à Ambialé, donc dans l'église de la Capelle. Donc, qui est une autre église. Qui est une autre église, notre voilà, église. Juste en surplomb du village. Tout est toujours, il y a toujours, on est soit au bord de l'eau, soit en surplomb. Sur voilà. Les rochers. Voilà, on voit l'eau ou on voit le reste du monde. Donc 11h30, c'est Michaela Antalova et Adrian Mir. Ça va être... notre moment de poésie. C'est ça, un moment de poésie pour le et coup. Et de sérénité. Exactement, donc avec Adrian Mir qui joue d'une contrebasse très posée, avec des textures très enveloppantes, je dirais. Michaela Antalova qui donc joue de 2 flûtes. Donc une flûte qui s'appelle... T'as suivi, Isa? Non. Ah, la Fujara, qui est une musique, qui est une flûte slovaque, qui est une flûte un peu mélancolique, une flûte basse, et une flûte en sol. Je ne vous dirai pas comment ça se prononce en norvégien, d'où vient cette flûte en sol, mais qui a des sonorités un petit peu différentes. Plus, c'est une flûte harmonique. Voilà, et ce sera voilà, un moment un peu suspendu, très agréable, à n'en pas douter. D'accord. Et alors, nous allons après ? Eh bien, nous allons après, quelque part en Bialé, comme on l'a indiqué dans le programme. 15h à l'embarcadère, au bord du Tarn. Voilà. Écoutez, Julia Reddy. Julia Reddy, ouais, qui est une musicienne... enfin australienne, originaire de Sydney, mais qui est berlinoise de fait, voilà, guitariste qui travaille autour du folk, mais avec une finger grande, picking, ouais, et avec une grande liberté de création, vraiment qui vraiment voilà, dans une logique de création, pas du tout de refaire quelque chose de connu, et voilà, c'est quelque chose à écouter très attentivement également, je crois. On poursuit l'exploration du samedi avec à la duette. Peut-être on peut passer le morceau tout de suite. Comme tu préfères. Allez, allez, allons-y. On a beaucoup parlé quand même. La duette, le morceau. On a bien parlé. Moutoua, je crois. La duette, c'est parti. Voilà, donc à l'instant, c'était à la duette, le morceau Moutoir Moutoua, tiré de leur EP, Rana EP, quelque chose de plutôt noise, donc. Voilà, ils passeront donc à 17h30 dans un jardin. Donc là, on est en bas d'Ambialé pour toute la soirée. Alors que le vendredi, on était tout en haut, perché. Là, on est on est au bord du Tarn. Voilà. Et donc, tu nous parles... Oui, bah, vite fait. Hein. Donc, dans ce jardin bucolique, nous pourrons voir ce duo d'une brutalité vivifiante. Moi, j'aime beaucoup. À l'heure du goûter, Yann Joussin, qui est déjà venu à Baignade Interdite, donc au moins une fois, dans un duo avec Kunishiro Ueno. C'était aussi oui. Assez... vivifiant, je dirais. Voilà, donc Sheikh Anorak, Sheikh Anorak à la guitare, Yann Joussin à la batterie, ça marche très bien, je trouve. Enfin, pas grand chose à dire une fois qu'on a écouté le morceau, c'est assez évocateur, je trouve. Voilà, juste, ben, Isa, on va enchaîner avec Géo qui va jouer sur la grande scène. Et donc, l'innovation de cette année, enfin, l'une des très nombreuses innovations, c'est que nous jouons sur un terrain de boules samedi soir. Voilà, on est surplombé par un pont et au bord du Tarn. Et du coup, on accueille Géo, qui est un groupe de post-punk, entre No Wave, Dance Punk, Acid Funk. Et bon, qu'on peut rapprocher de Chopin, qui est passé aussi à Baignade Interdite. Il y a quelques années, ouais. D'influences plus anciennes, puis comme Blurt, Jam Chance. Ouais. Ça se dit ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ils sont néerlandais et ils sont cinq. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'ils étaient néerlandais. Voilà. Et ça a l'air plutôt cool quand même. Ça a l'air bien, ouais. Vraiment ouais, bien. On peut dire ça. Et ensuite. Tu vas nous parler de Julian Mayorga qui joue à 21h45 dans le jardin également. Julian Mayorga, qui est un Colombien, qui vit en Espagne et qui va nous faire une cumbia déglinguée. On avait déjà accueilli les Meridian Brothers. Et on aime beaucoup, et donc c'est de la cumbia psychédélique surréaliste avec plein de bidouillages. Il est un peu fou, je crois qu'il est un peu c'est fou. Très amusant. Amusant. Et quand il faut aller voir un peu les vidéos sur le net pour voir un petit peu que ça a l'air, il a l'air très rigolo. C'est pas que la musique, il faut y aller comme quoi. Ça en regarder. Moi, je trouve que c'est bien d'y aller sans. Ouais, bon, chacun sa doctrine. On se prépare ou on se prépare pas. En tout cas, voilà, un bon enchaînement pour la soirée du samedi donc, soir. Donc, il sera au jardin aussi. Voilà. Et après, tu nous parles de Parquet, qui sera de retour au Boulodrome à 23h. Voilà, donc Parquet, eh ben, c'est un mélange un peu de différents collectifs et labels connus comme Carton Records. Et donc, c'est, je crois qu'ils sont 5 sur scène. Et en gros, le délire, c'est de jouer live, c'est-à-dire sans platine, sans trop de machines. Une techno qui envoie, quoi. Et ça envoie du lourd. C'est pareil, moi j'ai commis le péché, Isa, de regarder des vidéos et c'est vrai que tout le monde saute, quoi. C'est vraiment très jubilatoire. Il y a écrit, je vois, dans notre petit texte, je crois que ça correspond pas mal. Ouais. C'est assez péchu. On l'écoute. C'est assez drôle et on va l'écouter tout de suite. Ouais, un morceau qui s'appelle Western. Ah, c'est parti. We'll be right back. Voilà, donc à l'instant, c'était le morceau western du groupe Parquet. C'est tiré, je crois, de leur premier EP. Voilà, et on s'endort pas avec Parquet. Donc le dimanche d'ailleurs on se réveille puisque c'est en fait finalement moi je vis beaucoup le festival comme un truc où le rythme complet quoi. On se réveille, on se couche et tout, on porte de la ferraille et tout, on rencontre des gens, des jeunes. Et on boit pas beaucoup hein, finalement. Non. Et donc à 10h du matin le dimanche on enchaîne avec Tatiana Paris sur la plage de la Condomine à Ambialet que les participants et participantes de l'édition 2022 connaissent bien puisque un certain nombre de concerts s'y étaient déroulés. Donc elle propose un solo de guitare qui s'appelle Gibbon. Voilà que d'après notre rédacteur en chef une sorte de duo entre elle-même donc Tatiana Paris et des petits enregistrements et des bidouilles qu'elle fait avec un poste de radio cassette issu voilà de des textes, des voix, des captages aussi de bruits d'objets avec un côté assez bruitiste. Elle était à Bruisme à Poitiers au mois de juin, une œuvre très poétique, très très dimanche matin sur une plage herbeuse peut-être, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, on aura donc comme tous les dimanches matins à Baignade, il y aura un petit déjeuner. Aussi, est-ce qu'il y aura des huîtres, Isa? Oui, normalement, il y a des huîtres. Donc, mais avant les huîtres, il y aura quoi? Juste trouver quelqu'un pour y aura un petit déjeuner. Mmh. On aura du café, des petits trucs à manger. Voilà, et entre le petit déjeuner et les huîtres? Ah, ben bien sûr, nous aurons un concert à l'église. Ah, formidable. À 11h15. Alors, encore une autre église, hein, on enchaîne les églises. Église, ouais. Une grande dame du folk américain, puisqu'on accueille Joséphine Foster, qui invite Delphine Dora, donc une musicienne multi-instrumentiste avéronnaise, chercheuse de son. Et c'est, je crois que c'est la première fois que ce duo va se produire. Va se produire, hein. Ouais. Et donc, je pense qu'on va l'écouter après, parce que c'est une voix insaisissable qui est très particulière, voilà, Joséphine Foster. Et pour nous, une grande angoisse, parce que ce concert va jouer dans une église avec une jauge limitée. Ouais, et voilà. À tous les coups, c'est les pauvres bénévoles qui ne vont pas pouvoir aller voir. Oui, qui ne vont pas pouvoir la voir, alors qu'on en rêve. Ouais. C'est vraiment trop injuste. Et le festival va s'achever... à midi et demi, enfin à partir de midi et demi pour le dernier concert, toujours dans ce lieu dit de la Condomine, avec Derby sur la place. Voilà, Derby, ben c'est un trio avec donc une trompette électrifiée, une basse et une batterie, le tout sur un mode bourdon, trans, répétitif, avec quelque chose de très vibratoire qui évolue, etc. Et qui, moi, dans ce que j'ai écouté, m'a fait penser au dernier concert de la première édition de Baignade Interdite à laquelle j'ai assisté il y a bien longtemps, mes jeunes amis, avec France, où on avait envie que ça s'arrête jamais, alors que pourtant on était au bord de l'évanouissement. Et ben, j'espère qu'on en sera là aussi cette fois-ci avec Derby et tout ce qui aura précédé. Leur dernier album s'appelle Macadam et il est sorti en 2021. Je vous propose qu'on écoute. Oui, tu veux dire quelque chose? Je veux dire qu'il y aura les huîtres et le vin blanc aussi. Voilà, il y aura les huîtres et le vin blanc juste pendant. Et on écoute Joséphine Foster. On écoute Joséphine Foster. Foster, le morceau Pendulum, c'est parti. Spring of his love. l'instant le morceau Pendulum de Joséphine Foster, donc tiré de l'album Domestic Sphere. Bon Julien, tu nous dis combien ça coûte? C'est alors, beau, ça coûte vraiment encore toujours pas cher. C'est beau concert. Encore toujours pas cher. Ouais, donc les concerts en journée sont tous au tarif de 5 euros chacun, sauf celui de Moderera, comme je le disais tout à l'heure, qui est gratuit. Les soirées reviennent à 15 euros en tarif plein et 12 euros au tarif réduit. Si vous prenez tous les concerts, ça coûtera que 60 euros, c'est-à-dire le quart du tiers de la moitié de ce que coûte Pause Guitare, je pense, environ. Ça représente quand même 16 concerts. Bon, c'est un peu un marathon, mais ça se tente. Comme il y a des concerts en jauge limitée, notamment dans des églises, c'est pas inutile de réserver à l'avance, d'autant que... On peut réserver sur le site. Voilà, sur le site, donc baignade-sauvage.fr, d'autant que sur place, il faut savoir qu'il n'y a pas de distributeur de sous. Voilà, donc il vaut mieux réserver à l'avance. Pour la trésorerie de l'association, ce n'est pas plus mal. Vous pouvez, voilà, sur les infos pratiques, après, ben, faut savoir donc que... Il y aura bar et restauration. Voilà, il y aura bar et restauration sur place, qu'il n'y a pas trop de commerce à proximité immédiate, donc il faut un petit peu s'organiser. Voilà, peut-être que... Ah si, on va parler des balades, hein, Isa. Eh oui, les balades, cette année, on propose, comme l'année dernière un petit peu, mais encore mieux cette année, on propose des balades le samedi et le dimanche, donc il y a une balade ornithologique, sur une balade sur les simples et les sauvages, à découvrir au fil de l'eau, sur la lecture de paysages. Et puis le dimanche, on finit par une balade sensorielle, voilà, avec... Donc là, on peut dire que c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas d'inscription, ouais. Il n'y a pas d'inscription, ça commence le samedi, il y en a une de 9h à 10h, le samedi après-midi, le dimanche matin, voilà, c'est assez varié, voilà, et c'est ouvert. Ce sont des petites sorties, des petites respirations collectives. Avec des gens très intéressants. N'est-ce pas? Qui sont des gens de la vallée pour la plupart. Mm-hmm. Pour venir sur place, donc, ben, vous pouvez vous prendre votre petite ou grosse voiture, mais vous pouvez aussi venir à pied ou en train ou autrement, puisqu'une navette gratuite donc, vous amène depuis Albi le vendredi à 16h, départ à la gare. Elle déplace aussi, elle nous permettra de nous déplacer entre les différents sites du festival le vendredi et le samedi. Elle fera aussi un retour depuis le camping vers Albi à partir de 15h, cette navette gratuite. Donc ben, c'est aussi pour dire qu'on peut organiser des festivals sans, trop de voitures, trop d'essence et trop de fumée et trop de bruit et trop de parking. On espère que ça marchera mieux. C'est vrai que l'année dernière, ça n'a pas été trop utilisé. Voilà, tout le monde trouve ça génial, mais tout le monde a une excuse pour ne pas s'en servir. Donc essayez de ne pas être tout le monde pour voir si c'est dans vos capacités, sait-on jamais. Donc vous pouvez nous suivre sur Facebook, aller voir les infos donc, sur le site internet dont je redonne le nom, baignade-sauvage.fr. Vous pouvez aussi, pour venir, penser à covoiturer. On a avec mis en place un truc avec le site mobicop.fr. Voilà, que dire d'autre? Ben, pas grand chose, si ce n'est que vraiment ça nous fera très très plaisir si vous venez écouter de la musique avec nous. Et puis, et puis voilà. Ce sera peut-être la dernière. Hein. Ah bon? Bon, on vous dit à dans 10 jours. Et bien, à dans 10 jours. Au revoir. J'espère pouvoir y être également. Nous aussi, on compte sur toi, Fabrice. Voilà. Bon. Eh bien, au revoir. On poursuit avec du folk pour annoncer un gros concert aussi qui a lieu mardi prochain au Bikini, un concert de Wilco, le fameux groupe de Jeff Tweedy. Donc ce mardi sera accompagné de Trebert en première partie qui fait du folk et qu'on écoutera après avoir écouté Wilco, le morceau Bird Without a Tail, donc tiré de son dernier album Cruel Country, un généreux double album de 21 morceaux sorti chez DPPM Records, qui est son propre label, hein, puisqu'il a son propre label maintenant, Wilco, et c'est voilà, des gros concerts de la rentrée, puisque Jeff Tweedy a eu un gros succès, alors peut-être pas tant en France, mais en Europe, aux États-Unis, depuis son fameux Yankee Hotel Foxtrot de 2011, remarquable album. Et c'est aussi un des tout meilleurs songwriters américains. Donc on va écouter le morceau Bird Without a Tail, donc tiré de Cruel Country. Wilco. Was a man with a double D, sold his garden full of seed. When the seed began to grow, it's like a garden full of snow. When the snow began to melt, it's like a ship. Ship began to sail, it's like a bird without a tail. When the bird began to fly, it's like an eagle in the sky. When the sky began to roar, it's like a lion. The door began to crack, it's like a stick across my back. When my back began to smart, it's like a penknife in my heart. When my heart began to bleed, was death and death. Thank you. was turning the end of my key to a room at the end of the street. When I entered, I dropped to the floor and thought of you some more. When I opened my eyes, it was day. I was worried I'd too fade away. And I waited for nothing at all and walked through the wall. In the middle of 20th Street, I let my shadow take over the lead. And I followed him down the ice block like a parrot that talks. Solo, wherever I go, I feel solo. I know that it shows. It's a prison that I can't escape. Won't you just look away? There's a universe under my feet. I can feel it screaming from beneath. I was learning the words to a song. Didn't take very long. There are people way stronger than me. It's from them that I'm learning. Penny heads up off a cliff when the gravity shifts. Take a memory out of the shade, put it there in the sun to decay. I remember the curse from the lips of my enemy's kiss. Solo, wherever I go, I feel solo. I know that it shows. It's a prison that I can't escape. Won't you just look away? Solo, I know that it shows. It's a prison that I can't escape. Won't you just look away? Voilà, donc à l'instant, c'était Trebert, morceau solo tiré de l'album You Ye You. Un album de 2021. Il va sortir également un album en octobre prochain qui, est-ce que j'ai pu écouter, sera nettement moins folk, un petit peu plus country, un petit peu plus enjoué. Voilà, et donc il sera en première partie de Wilco mardi prochain, donc mardi 22 août, des gros gros concerts de cette rentrée. On va terminer l'émission en rendant un hommage, donc un peu tardif, mais un hommage quand même à Ryuichi Sakamoto, japonais, disparu le 28 mars dernier à l'âge de 71 ans. C'est quelqu'un qui a beaucoup imprégné la musique au Japon et même dans le monde. C'est quelqu'un qui a une très riche carrière, d'une part avec son groupe le Yellow Magic Orchestra, avec qui il a façonné, on va dire, les standards d'une J-pop expérimentale, jusque dans les années 80, fin des années 70, début des années 80. Et surtout, il a eu une énorme carrière solo. Il a exploré un peu tous les genres, la techno, l'ambiance et la musique de film. Il a fait énormément de musique de film. Hein. Les plus connus sont Le Dernier Empereur, Little Buddha, Snake Eyes ou encore Babel d'Iñárritu ou jusqu'à très récemment le Monster de Kore-eda. Voilà, donc le morceau qu'on va écouter donc, pour lui rendre hommage à ce personnage très important, c'est tiré d'un dessin animé, Oxygène, qui était Exception, pardon, qui était sorti sur Netflix, un superbe dessin animé de science-fiction, hein, 8 épisodes, 25 minutes je crois. Et la bande son est magnifique, évidemment, puisque c'est Ryuichi Sakamoto qui l'a fait. On va écouter le thème principal qui s'appelle Oxygène. Ça conclura cette émission. Je vous dis ensuite à dans 15 jours. Peut-être qu'on se verra pour Wilco, peut-être qu'on se verra à Baignade Sauvage. Voilà. Portez-vous bien en attendant. Ryuichi Sakamoto. C'est parti.